Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Question 98. De la conservation de l'espèce humaine. Comment l'espèce humaine se serait propagée? 1. La génération aurait-elle eu lieu dans l'état d'innocence? Dieu dit à nos premiers parents, croissez, multipliez et remplissez la terre. Genèse 1, 28. Ainsi qu'on le voit, la génération, qui a pour objet la multiplication du genre humain, aurait eu lieu alors même qu'Adam n'eût pas péché. 2. La génération se serait-elle accomplie par l'union des sexes? Frappé de ce qu'il y a maintenant de honteux dans la concupiscence, quelques anciens docteurs n'ont pas admis, pour l'état primitif, le mode de génération tel qu'il s'effectue aujourd'hui. Mais l'organisation de la nature humaine montre assez que, dans l'état d'innocence, la génération devait avoir lieu par l'union des sexes, sans les désordres, toutefois, de la concupiscence. Les lumières de la raison auraient toujours dominé sur les phénomènes de la vie animale. Le corps, dit saint Augustin, eût obéi à l'impulsion de la volonté, sans passion et sans l'ignominie de la concupiscence, avec un calme parfait de l'âme et des sens.